Ou qu'a trouvé belle comme Monica Bellucci. Mais au panier les moyens de rentrer à café au Sachi ou à Kaguchi. What a bullshit, what a bullshit. No for them. One like them are independent. Sponsorisé par Mr. Oncle Ben Ben. Why to give? Tu veux Ken? Ou panier beef? Non, c'est pas la peine, pen. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. Nouvelle époque, génération, we don't give a fuck. Hôtel les billets, papa les top. Comme quand des billets, on s'en bat, fini, Roméo et Juliette, yeah. J'prends pas de chèque, mec, faut pas que ça te choque. Les filles, j'ai trouvé le gras là, touché le gros lot. Il n'est pas mignon, mais bon, voilà. Ma cola blendy, ma gaïmaï, fais un petit monde baïa. Face a vie qu'on baïa. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. Yo, et mes belles bijoux, acheter talons, j'ai mis chou. Fait quand t'aimes les chauffer, si les gens élisent tous les jours. Yo, nigga, goût, si c'est un VIP, woum, pété champagne, pof, pof, c'est ok, qu'a payé la tournée. Pas même ça, ça yo, crié, y'en journée, travail, bye. Mais si vous dit, faut serrer la ceinture, aïe, aïe, aïe. Toute la journée, y'a boudé, on s'y moune privé de goûter. Elle ne t'aime pas, elle aime ta maille. Yo, les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. Yo, les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Yo, les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Yo, les Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Un homme pour faire yo cadeau qu'on Santa Claus. Real, real boss, show off si Insta brand new outfit à chaque post. Rich comme mes gosses, Rick Ross. Chillin' dans belle carrosse, grosse villa là à Los Angeles. No for them. One like them are independent. Sponsorisé par Mr. Oncle Ben Ben. Why to give? Tu veux Ken? Ou panier beef? Non, c'est pas la peine, pen. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen. You les Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang. Why to give? Tu veux Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non, c'est pas la peine, pen.